Il est préférable d'avoir eu un véritable ami et de l'avoir perdu que d'en avoir jamais eu. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Charles Stanley nous a proposé des directives pratiques pour nous aider à cultiver et à maintenir des amitiés engagées. Peut-être êtes-vous conscient de la valeur d'un de vos amis, mais vous êtes préoccupé à cause d'une relation proche que vous avez eue avec quelqu'un dans le passé et qui s'est mal terminée. Vous demandez-vous comment ne pas refaire les mêmes erreurs et comment reconstruire une relation avec votre ami? Pendant cette émission, nous passerons en revue une liste d'éléments qui peuvent endommager et détruire une relation. Puis, nous apprendrons comment nous pouvons rétablir une relation avec quelqu'un. Aujourd'hui, Charles Stanley apporte son soutien à toute personne ayant ressenti ce genre de douleur et énumère les étapes pour réparer des amitiés difficiles. Un ami est un trésor précieux. Un ami vous aime. Un ami vous aime, même quand vous n'êtes pas très aimable. Un ami vous soutiendra lorsque vous tomberez. Il est quelqu'un qui acceptera vos pires défauts et vous encouragera à développer vos meilleures qualités. Un ami partagera vos expériences les plus profondes chaque jour si vous le lui permettez. Un ami demeurera à vos côtés quand le monde entier vous rejettera. Toutes ces choses rendent l'amitié très précieuse. L'autre jour, j'ai lu un article très intéressant qui décrivait ce que nous oublions souvent. Nouer une nouvelle amitié, mais conserver l'ancienne. La première est d'argent, mais l'autre est d'or. Et lorsque nous pensons à nos amis, et au temps nécessaire pour développer des amitiés réellement sanctifiées, des amitiés sincères et durables, nous nous apercevons qu'elles nécessitent beaucoup de temps. Si vous commencez seulement à développer des amitiés, alors que vous avez déjà un certain âge, il ne vous restera plus beaucoup de temps pour jouir de la compagnie de vos amis, et ils n'auront pas beaucoup de temps pour profiter de la vôtre. Nous devons donc prendre soin de nos amitiés. Nous devons veiller sur elles, car en vérité, un ami véritable et sincère est un don de la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais il arrive parfois des situations où l'amitié nous fait défaut. Votre ami se défile, par exemple, au moment où vous avez le plus besoin de lui. Ou encore, vous décidez de ne plus poursuivre une amitié et vous prenez la décision de partir. Ou même, plus simplement, vous n'attachez pas assez d'importance à cette amitié. En conséquence, votre amitié s'effrite et vous prenez tous les deux des directions différentes. Vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre une décision nette à ce sujet, mais c'est ainsi que les événements se présentent. C'est un fait. L'amitié s'éteint pour des raisons précises. Le message que j'ai retenu pour vous aujourd'hui est simplement celui-ci. Je vais vous entretenir des problèmes que nous rencontrons dans nos amitiés et plus précisément dans les amitiés difficiles. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à examiner un seul verset. Beaucoup d'autres versets nous seraient également utiles, mais regardons celui-ci. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. Nous développons souvent des amitiés qui ne durent pas. Nous aurions aimé qu'elles résistent mieux à l'usure du temps, mais elles ne l'ont pas fait, et nous allons voir précisément pourquoi. Demandons-nous ce qui endommage une relation, une association ou une amitié. Car nous endommageons nos amitiés malheureusement sans nous en rendre compte, et ce, de plusieurs façons. Premièrement, l'égoïsme endommage une relation. Cet égoïsme s'exprime lorsque je recherche toujours mon propre intérêt, soit ce que je peux retirer de cette amitié, et ce que l'autre peut faire pour moi, au lieu de me demander ce que je peux faire pour lui. Mais la meilleure manière de déterminer si j'aime quelqu'un ou pas est de me demander si je pense plus à ce que l'autre peut faire pour moi, c'est-à-dire comment il peut satisfaire mes besoins ou au contraire si mon intérêt principal réside dans les moyens de lui être utile, de satisfaire ses besoins afin de le rendre heureux et de lui apporter plus de joie. Deuxièmement, la manipulation endommage une relation ou, si vous préférez, la soif de contrôle. Une personne qui essaie constamment de contrôler une autre personne ne pourra jamais bâtir une sage amitié. La manipulation endommagera une amitié autant que l'égoïsme, car personne n'aime à être manipulé ou contrôlé. Les moyens de manipulation par lesquels une personne s'assure du contrôle de l'autre personne sont nombreux. Parmi eux, nous trouvons les finances, l'humiliation et d'autres formes de manipulation, comme la sexualité. Vous pouvez vous refuser sexuellement à votre conjoint ou conjointe afin de le forcer à accomplir votre volonté. C'est une façon cruelle de tenter de diriger ou de contrôler la vie d'une autre personne. Et il existe plusieurs autres moyens de manipuler. Or, en définitive, tous endommagent une relation. Troisièmement, la jalousie endommage une relation. Ce moyen est vraiment efficace pour briser une relation. La jalousie dicte que je m'accroche à ce qui m'appartient et que j'éloigne tout ce que je considère comme une intrusion dans ma vie. Si vous aimez quelqu'un et que vous vivez avec cette personne une belle amitié, et rappelez-vous que nous parlons seulement d'un lien d'amitié, et si vous ne pouvez tolérer de voir quelqu'un s'en approcher et que vous faites tout pour empêcher que cela arrive, vous finirez en fin de compte par détruire votre amitié et votre relation. La jalousie ne fonctionne pas. Elle est très nuisible. Quatrièmement, la critique endommage une relation. Voulez-vous détruire une amitié? Sortez vos antennes mentales pour recevoir tout ce qui vous déplaît chez votre ami, sa façon de s'habiller, son apparence générale ou sa façon de parler. Surveillez bien ses comportements et pointez-le chaque fois qu'il n'est pas à la hauteur de vos attentes, qu'il ne fait pas ce que vous voulez, qu'il arrive toujours trop tôt ou trop tard, qu'il a des goûts de luxe ou au contraire qu'il préfère les choses simples, qu'il manque de considération. En d'autres mots, si vous voulez détruire une amitié, vous n'avez qu'à vous mettre en mode critique et dire par exemple « Ça ne marche pas, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord » et continuer sans relâche ce régime. Savez-vous ce qui arrivera alors? Cet ami vous quittera. Pourquoi? Parce que toute cette critique est trop lourde à porter. Toutefois, il existe plusieurs sortes de critiques. On parle parfois de critiques constructives et destructives, mais restons simples, parlons de bonnes et de mauvaises critiques. Voici comment vous pouvez déterminer si votre critique est bonne ou mauvaise. Votre critique est bonne quand cela vous fait plus mal d'adresser un reproche à votre ami en ce qui concerne ses paroles, ses actions ou son attitude que cela lui fait mal de le recevoir. En d'autres mots, le fait de lui adresser une critique vous fait plus mal à vous qu'à lui. Cela vous blesse d'avoir à lui dire qu'il avait tort. Si cela vous fait mal de lui adresser des remontrances, cette critique est probablement justifiée. Mais quand cela concerne quelque chose que vous n'aimez tout simplement pas, vous devriez peut-être considérer l'option de ne pas en parler. Nous devons tous tolérer et laisser passer certaines choses. Si vous devez absolument critiquer tout ce qui ne vous convient pas chez une personne, vous n'aurez jamais d'amis. Laissez donc aller vos remontrances dans ce cas-là et posez-vous sérieusement la question. Est-ce si important? Est-ce arrivé une seule fois ou est-ce une habitude? Si c'est une habitude, il faudra absolument y remédier. Mais si c'est seulement quelque chose que vous n'appréciez pas particulièrement, laissez-le faire, n'en ajoutez pas, car la critique détruira une relation. Cinquièmement, la colère peut également miner une amitié. Vous apprenez à connaître une personne. Elle semble très gentille. Et un bon jour, boum! Habituellement pour une broutille. Et elle se met dans une colère noire et invective tous ceux qui l'entourent. Ce qui arrive, c'est que ce genre de personne va accumuler toute cette colère à l'intérieur d'elle pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, et des années et des années. Nombreux sont les volcans entrés en éruption sans signe avant-coureur. Ce sont les plus dangereux. Souvent, ce genre de personne ne réalise même pas ce qui lui arrive. Soudain, elle explose. Et le plus tragique, c'est qu'elle commettra parfois, en de telles occasions, des gestes irréparables. Par exemple, elle dira quelque chose de si douloureux et de si tranchant et pénétrant que l'estime de soi de son ami sera dévastée et qu'il ne pourra pas en revenir. il ne pourra pas passer outre. Plusieurs amitiés ont été totalement pulvérisées par de telles explosions de colère. Quand une personne se met à abuser verbalement de tous ceux et celles qui l'entourent, cela mine une relation. Nous devons donc être capables de contrôler nos pensées, car c'est à ce niveau qu'il faut opérer. Et la meilleure chose à faire est de ne pas laisser des pensées incitatrices de colère et de mépris nous pénétrer. Si de telles pensées se pointent, coupez-les immédiatement à la racine. Sixièmement, la déloyauté peut miner une amitié. Nous pensons peut-être moins souvent à cet élément destructeur, mais il a quand même son importance. Par exemple, quelqu'un vous dit que vous êtes son meilleur ami et qu'il vous aime. Et la première chose que vous savez, c'est que derrière votre dos, il parle de vous. Il répand des rumeurs. Il déforme vos propos, juste assez pour que les gens infèrent une chose que vous n'avez pas dite. La déloyauté est décourageante, terrible et destructrice. Elle vous serre le cœur. Car voici une personne que vous pensiez véritablement loyale, et elle se révèle complètement hypocrite. Septièmement, la malhonnêteté à l'état pur mine l'amitié. Si on ne peut pas faire confiance à quelqu'un, peut-on entretenir une relation avec lui? C'est impossible. La confiance mutuelle est essentielle. Bien sûr, nous commettons tous des erreurs. Et si une personne est capable d'admettre « Oui, tu as absolument raison, je t'ai raconté un mensonge, j'ai été faible à ce moment où j'ai eu peur », si elle est en mesure de faire face à son erreur, de la confesser, de s'en repentir et de demander pardon, c'est différent. Si cette personne vous demande de l'aider à comprendre la situation, si elle vous avoue qu'il s'agit de quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de faire, mais qui s'est produit quand même, c'est différent. Huitièmement, le temps insuffisant passé en compagnie de l'être cher nuit à une relation. On néglige souvent ce détail. Pourtant, la meilleure façon de détruire une relation est encore de ne jamais voir l'autre ou de ne jamais lui parler. Nous avons peut-être tous commis cette erreur. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé des composantes de base, nous avons parlé du temps. Une relation exige du temps. Or, une personne trop occupée étouffera à coup sûr toute relation. Son manque de disponibilité pour les autres parlera de lui-même. « Je n'ai pas le temps de te parler. Je n'ai pas le temps de dîner avec toi. Je n'ai pas le temps de sortir avec toi. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pour parler avec toi. Je n'ai pas le temps de t'écouter. » Si l'on ne prend pas le temps de cultiver une relation, elle deviendra impossible. Car, rappelez-vous, aimer, c'est donner du temps. Supposons maintenant que vous aviez une bonne relation avec quelqu'un, mais qu'elle se soit détériorée. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Une des composantes de base était absente. Vous viviez le genre de problème que j'ai mentionné plus tôt, ou alors votre comportement ou votre conduite indisposait votre ami. Peut-être avez-vous même tenté de le manipuler. Vous pensiez l'aimer tellement que vous auriez fait n'importe quoi pour elle et vous l'avez manipulé. Et cela n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un. Le manœuvrer ou le diriger dans une relation. Il faut développer une relation sincère, teintée d'affection, qui démontre que vous vous souciez de l'autre. Sinon, cette relation est vouée à l'échec. Peut-être avez-vous endommagé une relation qui était réellement précieuse. Comment faire pour la réparer? Comment faire pour panser les blessures? Comment faire pour payer les pots cassés? Comment guérir ensemble? Comment pouvez-vous réparer les dégâts pour restaurer une relation que vous chérissiez sincèrement? Comment revient-on à la case de départ? La première chose à faire, c'est de faire face au problème. Dites à votre ami, « Quelque chose ne va pas avec notre relation. Il s'agit peut-être de quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas compris, mais je crois que nous avons un problème et j'aimerais au moins faire face à la musique. » Sommes-nous tous les deux prêts à le faire? La deuxième chose est de déterminer précisément ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à notre relation? Qu'avons-nous dit? Qu'avons-nous cru comprendre? Qu'avons-nous compris ou mal compris? Qu'ai-je fait? Qu'as-tu fait? En d'autres mots, il s'agit de faire le bilan de ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui a fait dérailler cette relation alors que tout allait si bien? Où et quand cela s'est-il produit? La troisième chose est de vous excuser. Même si vous pensez que ce n'était pas votre faute, car là n'est pas la question. Si cette amitié vaut la peine d'être préservée, elle vaut aussi la peine que vous en assumiez votre part de responsabilité, quelle qu'elle soit. Vous direz peut-être que c'était entièrement de la faute de l'autre personne. Laissez-moi alors vous poser une question. Si vous aimez réellement quelqu'un, est-il si important de savoir à qui appartient la faute? Pas vraiment. Aussi, si vous voulez continuer avec cette personne, vous assumerez vos responsabilités. C'est indispensable. Et si vous dites « Je veux m'excuser car je dois avoir fait quelque chose pour provoquer cette rupture », vous êtes gagnant. Et même si la rupture a eu lieu à cause de ce que l'autre personne a fait, vous êtes encore gagnant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, vous assumez vos responsabilités. Et c'est comme si vous disiez à l'autre « Cette relation et cette amitié sont tellement importantes pour moi que je suis prêt à supporter la pression, à porter le blâme s'il le faut et en supporter les conséquences. » Beaucoup de gens appellent cela de l'amour inconditionnel. Vous serez prêt à tout supporter, peu importe ce qui arrivera et peu importe si vous l'aurez mérité ou non. C'est pourquoi vous vous excuserez auprès de cette personne et vous serez sincèrement désolé. La prochaine chose à faire est de vous souvenir de ne pas blâmer l'autre ou d'essayer de vous défendre. Et si l'autre personne dit « Regarde ce que tu as fait », rappelez-vous votre but. Votre objectif est-il d'avoir raison ou de rétablir votre relation avec l'autre personne? Si vous voulez absolument avoir raison et que la relation n'a aucune importance pour vous, vous lui direz « Tu sais quoi? Tu es plus myope qu'une taupe. Voilà ce que tu as fait. Tu passes ton temps à projeter sur moi tes propres pensées, tes erreurs. Mais ce n'est pas vrai. » Vous savez quoi? C'est de cette façon que les associations, les relations, les amitiés et les mariages se terminent en queue de poisson. On passe notre temps à reprocher à l'autre des choses, les uns aux autres. Qu'est-ce qui arrive alors? En peu de temps, la relation s'est tellement envenimée qu'une des deux personnes y met fin. Vous devez donc être prêt à dire, quelle que soit ma part de responsabilité, je tiens à m'excuser. Et voici ce qu'il faut faire ensuite. Demandez à l'autre ce que vous devez faire pour réparer cette relation. Demandez-lui ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Et soyez honnêtement prêt à le faire. Demandez à l'autre ce qu'il suggère pour établir la relation et engagez-vous. Ayez ce genre de réflexion. Je m'engage à reconstruire cette association, cette relation ou cette amitié. Je m'engage à la reconstruire quoi qu'il en coûte. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, j'aimerais à présent vous proposer quatre questions qu'il serait utile de vous poser si vous voulez vraiment rétablir une relation. Je vous suggère de vous poser ces quatre questions. Premièrement, suis-je en train de faire de la projection? Supposons que dans votre passé, vous avez souffert d'une cruelle blessure. Il pouvait s'agir d'une femme, d'un ami ou d'une relation qui a mal tourné. Vous aimiez quelqu'un très profondément, mais cette personne vous a trahi. Elle a été déloyale envers vous. Elle a été malhonnête envers vous. Puis, elle est partie alors que vous pensiez que cette personne était l'ami le plus cher que vous puissiez avoir. Par conséquent, que fait habituellement une personne quand elle subit ce genre de blessure? Elle se met à ériger des murs autour d'elle. C'est son mécanisme de défense. Elle réagit ainsi afin que la même situation ne se reproduise plus jamais. Et si quelqu'un surgit dans sa vie et cherche à se rapprocher d'elle, elle commencera immédiatement à critiquer sa vie. Ce schéma se produit souvent. Or, voici ce qu'elle ne réalise pas. À cause de ses blessures passées, cette personne reporte ses mauvaises expériences passées sur l'autre personne sans même réaliser qu'elle la blâme pour une chose que quelqu'un d'autre lui a fait subir. Ce genre de situation se produit plus souvent qu'autrement et a un pouvoir destructeur absolument terrifiant. Et, ne nous mentons pas, nous avons tous subi ce genre de comportement. Quand vous faites de la projection quelque chose d'enfoui très profondément dans votre cœur, il peut s'agir d'une blessure ou de beaucoup d'autres choses, remonte à la surface et vous pousse à saboter votre amitié. Aussi, si vous voulez rétablir le lien avec une personne, vous devez laisser aller votre passé. Deuxièmement, avez-vous peur d'être trop intime avec quelqu'un? En d'autres mots, le problème dans cette relation réside-t-il simplement dans le malaise que vous ressentez lorsque l'autre personne se rapproche? Avez-vous besoin de beaucoup d'espace? Est-ce que vous exigez trop d'espace? Je ne parle pas ici de se sentir étouffé par l'autre, ni d'avoir un ami trop possessif. Personne n'aime à se sentir étouffé, non. Je parle du sentiment ressenti lorsqu'une personne se rapproche de vous et que quelque chose en vous, vous ne savez même pas quoi exactement, réagit et vous fait reculer. Vous pensez alors, « Je ne peux pas y arriver ». Cependant, pourquoi ne pouvez-vous pas y arriver? D'où vient ce mécanisme de défense qui suscite en vous cette peur d'entretenir une relation intime avec une personne? Ne serait-ce pas parce que vous avez été blessé et que vous vous êtes juré que cela ne se reproduirait plus jamais? Si c'est le cas, laissez-moi vous donner un conseil. Il se pourrait fortement que vous l'ayez probablement déjà entendu des milliers de fois, mais il reste tout à fait vrai. Il vaut mieux avoir aimé et perdu cet amour que de n'avoir jamais aimé du tout. Ou, si on applique ce principe à la situation présente, je vous dirais qu'il est préférable d'avoir eu un véritable ami et de l'avoir perdu que d'en avoir jamais eu. Et si vous êtes une de ces personnes qui ont fermement décidé que plus personne ne vous ferait jamais de mal, vous serez amèrement déçu, car vous allez encore être blessé de nombreuses fois. La seule différence entre vous et quelqu'un qui a une amie, c'est que ce dernier peut partager ses souffrances avec quelqu'un, tandis que vous, vous ne pouvez vous confier à personne. Toute cette peine s'accumule alors à l'intérieur et vous ronge. Reste à savoir si le problème dans cette amitié est lié au fait que vous avez vraiment peur de l'intimité. Les hommes, tout autant que les femmes, peuvent être victimes de cette peur. On pourrait même croire que les femmes nourrissent plus que les hommes ce genre d'amitié intime, car les hommes cherchent parfois à projeter cette image de macho autonome, fort, qui n'a besoin de personne et qui n'aime pas trop parler de ses sentiments et de ses émotions. Malheureusement, rien de tout cela n'est vraiment biblique. Rien. Tout ce que vous parviendrez à faire avec de tels principes, c'est de ruiner vos relations. Troisièmement, vos attentes concernant une relation sont-elles réalistes ou, au contraire, attendez-vous trop de l'autre personne? Voyez-vous, certaines personnes ont énormément à offrir. Elles savent comment aimer et elles savent comment exprimer leur amour. Elles savent comment vivre dans la joie et la paix et sont pleinement satisfaites. En revanche, il y a d'autres personnes qui ignorent tout cela. Non seulement ne se donnent-elles pas elles-mêmes, mais elles sont dépourvues et ne savent pas comment le faire. Elles ne savent pas comment vous aimer. Elles ne l'ont pas appris et personne ne leur a montré. Vous devez donc vous poser cette question. Mes attentes envers cette personne sont-elles exagérées? Car si vous attendez plus de quelqu'un que ce qu'il peut effectivement offrir, vous aurez évidemment des problèmes dans ce genre de relation. Si vous pouvez comprendre cela et que vous décidez de persévérer dans cette relation, voici à quoi vous vous engagez. Vous devrez donner plus que vous ne recevrez. Vous devrez en faire plus. Vous devrez probablement pardonner plus. Mais si cette relation est précieuse à vos yeux, vous ferez le nécessaire pour la préserver. Quatrièmement, demandez-vous si vous vous aimez suffisamment. ce sentiment de rejet que vous éprouvez dans votre relation provient-il réellement de votre ami ou est-ce que vous avez un sentiment d'estime de soi tellement pauvre que vous pensez que vous ne méritez pas d'être accepté, que vous ne méritez pas ce genre d'amitié et que vous ne méritez pas ce genre d'amour? Êtes-vous convaincu que vous ne méritez pas ce genre de relation et que vous ne méritez pas ce genre d'intimité? Si tel est le cas, car si vous vous sentez rejeté, ce n'est pas votre ami qui vous rejette. Vous vous sentez tout simplement indigne de recevoir l'amour de quelqu'un. Vous ne pouvez pas croire qu'on puisse vous aimer abondamment. Or, ce trait de caractère peut faire partie de la personnalité de votre ami qui, lui, sait comment aimer. Vous, vous ne le savez pas. Vous pouvez guérir d'une relation blessante si vous le voulez vraiment, si vous décidez de le faire, si vous essayez réellement de le faire et si vous persistez à le faire. J'aimerais ajouter une dernière chose, très simple, mais très significative. Écoutez-moi attentivement. Mon dernier point est le suivant. Demandez à Dieu de vous indiquer comment aider votre ami à devenir une personne sanctifiée. Car si vous demandez cela à Dieu, il travaillera aussi dans votre vie d'une extraordinaire façon pour vous aider à fortifier et à guérir votre relation, pour vous aider à secourir ce qui finira par être probablement une relation merveilleuse, intime et remplie d'amour, de celle que vous serez heureux d'avoir conservée. Vous pouvez le demander à Dieu. Nous vivons dans une société éclatée où, malheureusement, même les relations familiales sont considérées comme une denrée rare. Les valeurs de la famille semblent en effet être parties à la dérive. Aussi, dans une société dans laquelle de plus en plus d'enfants grandissent sans vraiment connaître leur père, nouer des relations d'amitié satisfaisantes devient une entreprise hasardeuse. Cependant, tout n'est pas perdu. En tant que croyants, nous profitons des conseils de notre grand ami Jésus-Christ. Il nous dirigera pour nourrir, entretenir, chérir nos amitiés et même pour les préserver. Si vous avez vécu le genre de relation que Charles Stanley a décrit et que vous voulez la rétablir, nous vous exhortons aujourd'hui à commencer le processus de guérison en priant. Et à mesure que vous prierez pour votre ami et pour vous-même, Dieu vous apportera une parfaite guérison. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.